Numéro 47. Les jours. Yobi. Les mois. Tsuki. La semaine. Shu. Le lundi. Getsuyobi. Le mardi. Kayobi. Le mercredi. Suiyobi. Le jeudi. Mokuyobi. Le vendredi. Kinyobi. Le samedi. Doyobi. Le dimanche. Nichiyobi.